Les deux sonnets qui suivent sont liés aux exploits du demi-dieu Hercule. Et supprimer les oiseaux du lac Stymphale fut un des 12 travaux imposés à Hercule. Stymphale. Et partout devant lui, par milliers, les oiseaux, de la berge fangeuse où le héros dévale, s'envolèrent, ainsi qu'une brusque rafale, sur le lugubre lac dont clapotaient les eaux. D'autres, d'un vol plus bas, croisant leur noir réseau, frôlaient le front baisé par les lèvres d'Omphale, quand, ajustant au nerf la flèche triomphale, l'archer superbe fit un pas dans les roseaux. Et dès lors, du nuage effarouché qu'il crible, avec des cris stridents, plut une pluie horrible que l'éclair meurtrier rayait de traits de feu. Enfin, le soleil vit, à travers ces nuées, où son arc avait fait d'éclatantes trouées, Hercule tout sanglant, sourire au grand ciel bleu.